Miguel de Cervantes Saavedra. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Tome 1, livre 2, chapitre 13. Où se termine l'histoire de la bergère Marcel avec d'autres événements. Mais à peine l'aurore commençait à se montrer, comme disent les poètes, sur les balcons de l'Orient, que 5 des 6 chevriers se levèrent, firent appeler Don Quichotte et lui dirent, s'il avait toujours l'intention d'aller voir l'enterrement de Chrysostome, qu'ils étaient prêts à lui tenir compagnie. Don Quichotte, qui ne désirait pas autre chose, se leva et ordonna à Sancho de mettre à leur bête la selle et le bât. Sancho obéit en diligence et, sans plus de retard, toute la troupe se mit en chemin. Ils n'eurent pas fait un quart de lieue qu'à la croisière du sentier, ils virent venir de leur côté 6 à 7 bergers, vêtus de vestes de peau noire, la tête couronnée de guirlandes de cyprès et de lauriers roses, et tenant chacun à la main un fort bâton de houx. Après eux, venaient 2 gentilshommes à cheval, en bel équipage de route, avec 3 valets qui les accompagnaient. En s'abordant, les 2 troupes se saluèrent avec courtoisie, et s'étant demandé les uns aux autres où ils allaient, ils surent que tous se rendaient au lieu de l'enterrement. Ils se mirent donc à cheminer tous de compagnie. Un des cavaliers, s'adressant à son compagnon, « Il me semble, seigneur Vivaldo, lui dit-il, que nous n'aurons point à regretter le retard que nous coûtera le spectacle de cette fameuse cérémonie, qui ne pourra manquer d'être fameuse, d'après les choses étranges que nous ont contées ces bonnes gens, aussi bien du berger défunt que de la bergère homicide. C'est ce que je pense aussi, répondit Vivaldo, et j'aurais retardé mon voyage, non d'un jour mais de 4, pour en être témoin. Don Quichotte alors leur demanda ce qu'ils avaient ouï dire de Marcel et de Chrysostome. Le voyageur répondit que, ce matin même, ils avaient rencontré ces bergers et que, les voyant en ce triste équipage, ils leur avaient demandé pour quelle cause ils allaient ainsi costumés, que l'un d'eux la leur conta, ainsi que la beauté et l'étrange humeur d'une bergère appelée Marcel, la multitude d'amoureux qui la recherchaient et la mort de ce Chrysostome à l'enterrement duquel ils allaient assister. Finalement, il répéta tout ce qu'avait conté Pedro à Don Quichotte. Cet entretien fini, un autre commença. Le cavalier qui se nommait Vivaldo, ayant demandé à Don Quichotte quel était le motif qui le faisait voyager armé de la sorte, en pleine paix, dans un pays si tranquille, à cela Don Quichotte répondit. La profession que j'exerce et les vœux que j'ai faits ne me permettent point d'aller d'une autre manière. Le repos, la bonne chère, les divertissements furent inventés pour déféminer gens de cour, mais les fatigues, les veilles et les armes ne furent inventées que pour ceux que le monde appelle chevaliers errants, desquels, quoiqu'indigne et le moindre de tous, j'ai l'honneur de faire partie. Dès qu'on entendit sa réponse, tout le monde le tint pour fou. Mais, afin de s'en assurer davantage et de voir jusqu'au bout de quelle espèce était sa folie, Vivaldo, revenant à la charge, lui demanda ce qu'on entendait par chevaliers errants. « Vos grâces n'ont-elles jamais lu, répondit Don Quichotte, les chroniques et les annales d'Angleterre, où il est question des fameux exploits du roi Arthur, que dans notre idiome castillan, nous appelons le roi Artus, et duquel une antique tradition reçue dans tout le royaume de la Grande-Bretagne raconte qu'il ne mourut pas, mais qu'il fut, par art d'enchantement, changé en corbeau et que, dans la suite des temps, il doit venir reprendre sa couronne et son sceptre, ce qui fait que, depuis cette époque jusqu'à nos jours, on ne saurait trouver qu'aucun Anglais ait tué un corbeau. Eh bien, c'est dans le temps de ce bon roi que fut institué ce fameux ordre de chevalerie appelé la Table Ronde, et que se passèrent, de point en point, comme on les compte, les amours de Don Lancelot du Lac, et de la reine Genièvre, amour dont la confidente et la médiatrice était cette respectable duègne Quintanion, pour laquelle fut fait ce romance si connu et si répété dans notre Espagne. Onc chevalier ne fut sur terre des dames si bien accueillies qu'à son retour de l'Angleterre, dont Lancelot n'en fut servi. Ainsi que cette progression si douce et si charmante de ses hauts faits amoureux et guerriers. Depuis lors et de main en main, cet ordre de chevalerie alla toujours croissant et s'étendant aux diverses parties du monde. Ce fut en son sein que se rendirent fameux et célèbres, par leurs actions, le vaillant Amadis de Gaulle, avec tous ses fils et petits-fils, jusqu'à la 5e génération, et le valeureux Félix Mars d'Hyrcanie, et cet autre qu'on ne peut jamais louer assez, Tyran le Blanc, et qu'enfin, presque de nos jours, nous avons vu, entendu et connu l'invincible chevalier Don Belianis de Grèce. Voilà, Seigneur, ce que c'est que d'être chevalier errant. Voilà de quel ordre de chevalerie je vous ai parlé, ordre dans lequel, quoique pêcheur, j'ai fait profession, professant tout ce qu'ont professé les chevaliers dont je viens de faire mention. Voilà pourquoi je vais par ces solitudes et ces déserts, cherchant les aventures, bien déterminé à risquer mon bras et ma vie, dans la plus périlleuse que puisse m'envoyer le sort, si c'est au secours des faibles et des affligés. » Il n'en fallut pas davantage pour achever de convaincre les voyageurs que Don Quichotte avait le jugement à l'envers et pour leur apprendre de quelle espèce de folie il était possédé, ce qui leur causa le même étonnement qu'à tous ceux qui, pour la première fois, en prenaient connaissance. Vivaldo, qui avait l'esprit vif et l'humeur enjouée, désirant passer sans ennui le peu de chemin qu'il leur restait à faire pour arriver à la colline de l'enterrement, voulut lui offrir l'occasion de poursuivre ses extravagants propos. « Il me semble, seigneur chevalier errant, lui dit-il, que votre grâce a fait profession dans un des ordres les plus rigoureux qu'il y ait sur la terre, et si je ne m'abuse, la règle même des frères chartreux n'est pas si étroite. Aussi étroite, c'est possible, répondit notre Don Quichotte, mais aussi nécessaire au monde. C'est une chose que je suis à deux doigts de mettre en doute, car, s'il faut parler vrai, le soldat qui exécute ce que lui ordonne son capitaine ne fait pas moins que le capitaine qui a commandé. Je veux dire que les religieux, en tout repos et en toute paix, demandent au ciel le bien de la terre, mais nous, soldats et chevaliers, nous mettons en pratique ce qu'ils mettent en prière, faisant ce bien par la valeur de nos bras et le tranchant de nos épées, non point à l'abri des injures du temps, mais à ciel découvert, en but aux insupportables rayons du soleil d'été et aux glaces hérissées de l'hiver. Ainsi, nous sommes les ministres de Dieu sur la terre et les bras par qui s'y exerce sa justice. Et, comme les choses de la guerre et toutes celles qui s'y rattachent ne peuvent être mises à exécution que par le travail excessif, la sueur et le sang, il suit de là que ceux qui en font profession accomplissent, sans aucun doute, une œuvre plus grande que ceux qui, dans le calme et la sécurité, se contente d'invoquer Dieu pour qu'il prête son aide à ceux qui en ont besoin. Je ne veux pas dire pour cela, rien n'est plus loin de ma pensée, que l'état de chevalier errant soit aussi sain que celui de moine cloîtré. Je veux seulement inférer des fatigues et des privations que j'endure, qu'il est plus pénible, plus laborieux, plus misérable, plus sujet à la faim, à la soif, à la nudité, à la vermine. Il n'est pas douteux, en effet, que les chevaliers errants des siècles passés n'aient éprouvé bien des souffrances dans le cours de leur vie. Et si quelques-uns s'élevèrent, par la valeur de leurs bras, jusqu'à devenir empereurs, il leur en a coûté, par ma foi, un bon prix payé en sueur et en sang. Encore, si ceux qui montèrent jusqu'à ce haut degré eussent manqué d'enchanteurs et de sages qui les protégeassent, ils seraient restés bien déçus dans leurs espérances et bien frustrés dans leurs vœux. C'est assurément mon avis, répliqua le voyageur. Mais une chose qui, parmi beaucoup d'autres, me choque de la part des chevaliers errants, c'est que lorsqu'ils se trouvent en occasion d'affronter quelque grande et périlleuse aventure où ils courent manifestement risque de la vie, jamais, en ce moment critique, ils ne se souviennent de recommander leur âme à Dieu, comme tout bon chrétien est tenu de le faire en semblable danger. Au contraire, ils se recommandent à leur dame avec autant d'ardeur et de dévotion que s'ils en eussent fait leur Dieu. Et cela, si je ne me trompe, sans quelque peu le païen. « Seigneur, répondit Don Quichotte, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et le chevalier qui ferait autre chose se mettrait dans un mauvais cas. Il est reçu en usage et passé en coutume dans la chevalerie errante que le chevalier errant, qui est en présence de sa dame au moment d'entreprendre quelque grand fait d'armes, tourne vers elle amoureusement les yeux, comme pour lui demander par son regard qu'elle le secoure et le favorise dans le péril qui le presse. Et même lorsque personne ne peut l'entendre, il est tenu de murmurer quelques mots entre les dents pour se recommander à elle de tout son cœur. Et de cela, nous avons dans les histoires d'innombrables exemples. Mais il ne faut pas croire cependant que les chevaliers s'abstiennent de recommander leur âme à Dieu. Ils trouveront temps et lieu pour le faire pendant la besogne. « Avec tout cela, répliqua le voyageur, il me reste un scrupule. J'ai lu bien des fois que deux chevaliers errants en viennent aux gros mots et, de parole en parole, voilà que leur colère s'enflamme, qu'ils font tourner leurs chevaux pour prendre du champ, et que tout aussitôt, sans autre forme de procès, ils reviennent se heurter à bride abattue, se recommandant à leur dame au milieu de la carrière. Et ce qui arrive le plus ordinairement de ces rencontres, c'est que l'un des chevaliers tombe à bas de son cheval, percé d'outre en outre par la lance de son ennemi, et que l'autre, à moins de s'empoigner au crin, descendrait aussi par terre. Or, comment le mort a-t-il eu le temps de recommander son âme à Dieu dans le cours d'une besogne si vite expédiée? Ne vaudrait-il pas mieux que les paroles qu'il emploie pendant la course à se recommander à sa dame fussent employées à ce qu'il est tenu de faire comme bon chrétien? D'autant plus que, j'imagine à part moi, que les chevaliers errants n'ont pas tous des dames à qui se recommander, car, enfin, ils ne sont pas tous amoureux. « Cela ne peut être !» s'écria Don Quichotte. « Je dis que cela ne peut être et qu'il est impossible qu'il y ait un chevalier errant sans dame. Pour eux tous, il est aussi bien de nature et d'essence d'être amoureux que pour le ciel d'avoir des étoiles. À coup sûr, vous n'avez jamais vu d'histoire où se rencontre un chevalier errant sans amour, car, par la raison même qu'il n'en aurait point, il ne serait pas tenu pour légitime chevalier, mais pour bâtard, et l'on dirait qu'il est entré dans la forteresse de l'ordre, non par la grande porte, mais par-dessus les murs, comme un larron et un brigand. Néanmoins, reprit le voyageur, il me semble, si j'ai bonne mémoire, avoir lu que Don Galaor, frère du valeureux Amadis de Gaulle, n'eut jamais de dame attitrée, dans laquelle il put se réclamer dans les périls, et pourtant il n'en fut pas moins tenu pour un vaillant et fameux chevalier. À cela, notre Don Quichotte répondit. « Seigneur, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. D'ailleurs, je sais de bonne source qu'en secret ce chevalier était réellement amoureux. En outre, cette manie d'en conter à toutes celles qu'il trouvait à son gré, c'était une complexion naturelle et particulière qu'il ne pouvait tenir en bride. Mais néanmoins, il est parfaitement avéré qu'il n'avait qu'une seule dame maîtresse de sa volonté et de ses pensées, à laquelle il se recommandait maintes et maintes fois, mais très secrètement, car il se piquait d'être amant discret. Puisqu'il est de l'essence de tout chevalier errant d'être amoureux, reprit le voyageur. On peut bien croire que votre grâce n'a point dérogé à cette règle de l'état qu'elle professe. Et si votre grâce ne se pique pas d'être aussi discret que Don Galaor, je vous supplie ardemment, au nom de toute cette compagnie et au mien propre, de nous apprendre le nom, la patrie, la qualité et les charmes de votre dame. Elle ne peut manquer de tenir à grand bonheur que tout le monde sache qu'elle est aimée et servie par un chevalier tel que nous paraît votre grâce. » À ces mots, Don Quichotte poussa un grand soupir. « Je ne pourrais affirmer, dit-il, si ma douce ennemie désire ou craint que le monde sache que je suis son serviteur. Seulement, je puis dire, en répondant à la prière qui m'est faite avec tant de civilité, que son nom est Dulciné, sa patrie, le Toboso, village de la Manche, sa qualité, au moins celle de princesse, puisqu'elle est ma reine et ma dame, et ses charmes surhumains, car en elle viennent se réaliser et se réunir tous les chimériques attributs de la beauté que les poètes donnent à leur maîtresse. Ses cheveux sont des tresses d'or, son front des champs élyséens, ses sourcils des arcs-en-ciel, ses yeux des soleils, ses joues des roses, ses lèvres du corail, ses dents des perles, son cou de l'albâtre, son sein du marbre, ses mains de l'ivoire, sa blancheur celle de la neige. Et ce que la pudeur cache au regard des hommes est tel, j'imagine, que le plus judicieux examen pourrait seul en reconnaître le prix, mais non pas y trouver des termes de comparaison. « Maintenant, reprit Vivaldo, nous voudrions savoir son lignage, sa souche et sa généalogie. »« Elle ne descend pas, répondit Don Quichotte, des Curtius, Caius et Scipion de l'ancienne Rome, ni des Colonna et Ursini de la moderne, ni des Moncada et des Requesen de Catalogne, ni des Rebella et Villanova de Valence, ni des Palafox, Nusa, Rocaberti, Corella, Luna, Aragon, Urrea, Foz et Gurea d'Aragon, ni des Cerda, Manrique, Mendoza et Guzman de Castille, ni des Alan Castro, Pala et Menezes du Portugal. Elle est de la famille du Toboso de la Manche, race nouvelle, il est vrai, mais telle qu'elle peut être le généreux berceau des plus illustres races des siècles à venir. Et qu'à cela l'on ne réplique rien, si ce n'est aux conditions que Zerbin écrivait au pied du trophée des armes de Roland, que nul de les toucher ne soit si téméraire s'il ne veut de Roland affronter la colère. « Quoique ma famille, répondit le voyageur, soit des cachopins de Laredo, je n'oserais point la mettre en parallèle avec celle du Toboso de la Manche. Et pourtant, à vrai dire, ce nom et ce titre n'étaient pas encore arrivés jusqu'à mes oreilles. « C'est pour cela qu'ils n'y sont point arrivés, répondit Don Quichotte. Cet entretien des deux interlocuteurs, tous les autres l'écoutaient avec une grande attention. Si bien que les chevriers et les bergers eux-mêmes reconnurent le vide qu'il y avait dans la cervelle de notre héros. Le seul Sancho Panza s'imaginait que tout ce que disait son maître était pure vérité, et cela parce qu'il savait de longue main quel homme c'était, l'ayant connu depuis sa première enfance. Si pourtant quelque chose éveillait ses doutes et lui semblait difficile à croire, c'était cette invention de la charmante Dulcinée du Toboso, car, demeurant si près de ce village, jamais il n'avait eu connaissance de tel nom ni de telle princesse. Ils cheminaient, discourant ainsi, quand ils virent descendre par un ravin creusé entre deux hautes montagnes une vingtaine de bergers, tous vêtus de longues vestes de laine noire et couronnés de guirlandes, qu'ensuite on reconnut être les unes d'ifs, les autres de cyprès. Six d'entre eux portaient un brancard couvert d'une infinité de fleurs et de branches vertes. En les apercevant, un des chevriers s'écria. « Voici venir ceux qui apportent le corps de Chrysostome, et c'est au pied de cette montagne qu'il a ordonné qu'on l'enterra. » Cela fit hâter la marche, et toute la troupe arriva au moment où les autres avaient déjà déposé leur brancard à terre, et où quatre d'entre eux s'occupaient, avec des pieux aigus, à creuser la sépulture au pied d'une roche vive. Ils s'abordèrent courtoisement les uns les autres, puis, les saluts échangés, Don Quichotte et ceux qui l'accompagnaient se mirent à considérer le brancard sur lequel était étendu, tout couvert de fleurs, un cadavre vêtu en berger auquel on pouvait donner 30 ans d'âge. Quoique mort, il montrait avoir été, pendant la vie, de belles tournures et de beaux visages. Autour de lui, et sur le brancard même, on avait placé quelques livres et plusieurs papiers ouvert ou plié. Ceux qui l'examinaient, comme ceux qui creusaient la fosse et tous les autres assistants, gardaient un merveilleux silence. Enfin, un de ceux qui l'avait apporté dit à l'un de ses compagnons « Regarde, Ambroise, si c'est bien là l'endroit qu'a désigné Chrysostome, puisque tu veux si ponctuellement accomplir ce qu'il a ordonné dans son testament. » « C'est bien là, répondit Ambroise, car mon malheureux ami, cent fois, m'y a conté sa déplorable histoire. C'est là, m'a-t-il dit, qu'il vit pour la première fois cette mortelle ennemie du genre humain. Là que, pour la première fois, il lui déclara son amour aussi pur que passionné. Là, enfin, que Marcel acheva de le désespérer par son indifférence et ses dédains, et l'obligea de mettre une fin tragique au misérable drame de sa vie. C'est là qu'en souvenir de tant d'infortunes, il a voulu qu'on le déposât dans le sein d'un éternel oubli. » Se tournant alors vers Don Quichotte et les voyageurs, il continua de la sorte. « Ce corps, Seigneur, que vous regardez avec des yeux attendris, fut le dépositaire d'une âme en qui le ciel avait mis une grande partie de ses plus riches dons. C'est le corps de Chrysostome, qui fut unique pour l'esprit et pour la courtoisie, extrême pour la grâce et la noblesse, phénix en amitié, généreux et magnifique sans calcul, grave sans présomption, joyeux sans bassesse. Finalement, le premier en tout ce qui s'appelle être bon, et sans second en tout ce qui s'appelle être malheureux. Il aima et fut haï. Il adora et fut dédaigné. Il voulut adoucir une bête féroce, attendrir un marbre pour suivre le vent, se faire entendre du désert. Il servit enfin l'ingratitude, et le prix qu'il en reçut, ce fut d'être la proie de la mort au milieu du cours de sa vie, à laquelle mit fin une bergère qu'il voulait faire vivre éternellement dans la mémoire des hommes. C'est ce que prouveraient au besoin ces papiers sur lesquels vous portez les regards, s'il ne m'avait enjoint de les livrer au feu dès que j'aurais livré son corps à la terre. Mais, Seigneur, reprit Vivaldo, ce serait les traiter avec plus de rigueur et de cruauté que leur auteur lui-même. Il n'est ni juste ni raisonnable d'exécuter à la lettre la volonté de celui qui commande les choses hors de toute raison. Qu'aurait fait Auguste s'il eût consenti qu'on exécutât ce qu'ordonnait par son testament le divin chantre de Mantoue? Ainsi donc, Seigneur Ambroise, c'est assez de donner le corps de votre ami à la terre. Ne donnez pas encore ses œuvres à l'oubli. Ce qu'il ordonna en homme outragé ne l'accomplissait pas en instrument aveugle. Au contraire, en rendant la vie à ses écrits, rendez-la de même pour toujours à la cruauté de Marcel, afin que, dans les temps à venir, elle serve d'exemple aux hommes pour qu'ils évitent de tomber dans de semblables abîmes. Nous savons, en effet, nous tous qui vous entourons, l'histoire des amours et du désespoir de votre ami. Nous savons l'affection que vous lui portiez, la raison de sa mort, et ce qu'il ordonna en mettant fin à sa vie. Et de cette lamentable histoire nous pouvons inférer combien furent grands l'amour de Chrysostome, la cruauté de Marcel, la foi de votre amitié. Et quel terme fatal attend ceux qui, séduits par l'amour, se précipitent sans frein dans le sentier de perdition où il les entraîne. Hier au soir, en apprenant la mort de Chrysostome, nous avons su que son enterrement devait se faire en cet endroit, et non moins rempli de compassion que de curiosité. Nous avons résolu de quitter notre droit chemin pour venir voir de nos propres yeux ce dont le seul récit nous avait si vivement touchés. Pour prix de cette compassion, et du désir que nous avons formé de remédier, si nous avions pu, à cette infortune, nous vous prions, ô discrète Ambroise, et moi, du moins, je vous supplie que, renonçant à brûler ces écrits, vous m'en laissiez enlever quelques-uns. » Sans attendre la réponse du berger, Vivaldo étendit la main et saisit quelques papiers, de ceux qui se trouvaient le plus à sa portée. Voyant cela, Ambroise lui dit « Par courtoisie, je consentirai, Seigneur, à ce que vous gardiez ceux que vous avez pris. Mais espérez que je renonce à jeter le reste au feu, c'est une espérance vaine. » Vivaldo, qui brûlait de savoir ce que contenaient ces papiers, en ouvrit un précipitamment, et il vit qu'il avait pour titre « Chant de désespoir ». Quand Ambroise l'entendit citer, « Voilà, s'écria-t-il, les derniers vers qu'écrivit l'infortuné, et pour que vous voyez, Seigneur, en quelle situation l'avait réduit sa disgrâce, lisez-les de manière que vous soyez entendu. Vous en aurez bien le temps pendant qu'on achèvera de creuser la tombe. » « C'est ce que je ferai de bon cœur, » répondit Vivaldo. Et comme tous les assistants partageaient son envie, ils se mirent en cercle autour de lui, et voici ce qu'il leur lut d'une voix haute et sonore.